La balle bleue. Branco, Bretema, Beira, Brincadeira. La balle bleue. Bouteille, bizarre, baguette, abricot, la balle bleue. Virlangue, une vache blanche bondit et badine avec son petit beau brin. Répétez, c'est bizarre, quelle beauté, tu vas bien? Merci beaucoup. Attention. Bou, vous. Beau, vos. Bon, von. Répétez. Bou, vous. Beau, vos. Bon, von. Répétez. Botó un brinco y rompeu os beizos. Ce beau bateau fait un bruit bizarre. Se abaixou a branca bretema da bisbarra. J'ai acheté une bague à une bijouterie à Bordeaux. À bientôt.